Si tu les vois, donne-moi ton numéro. Prends mon nom, prends mon love. Si tu en veux, je suis pas comme tous les autres. De mon bolide, les autres qui tournent autour de toi te veulent que dans leur lit, des gaines et allure de diban. Tu sais ce que je vis, tu me parles de tout ce que je ne fais pas, mais tu vois pas quand j'agis. Billet vert, billet mort, si tu les vois, donne-moi ton numéro. Prends mon nom, prends mon love. Si tu en veux, je suis pas comme tous les autres. Villa, qu'elle va pas me chez là. Je te fuis, suis-moi. Je suis loin, mais je suis là. Regarde-moi. J'ai besoin de te le dire. J'ai toujours le même appétit. J'ai jamais raté ma cible. J'ai manié le veto. Sa mère, c'est le veto. Loin des yeux près du cœur. Je veux pas couper les ponts. Quand j'attendais des réponses, j'ai jamais jeté l'éponge. C'est pas dans ma nature de changer le fusil des potes. Billet.